Yeah, yeah. Come on. Mental, I will sing for you. One more time. Shake come your on, ass, girl. On. Yeah, yeah, come on. Alright. Elle se regarde dans la glace, n'aime plus se voir en face. Elle se dit c'est foutu, je n'aurais jamais connu l'amour. Et puis les bras autour de mon corps qui demande, avant que mon cœur se fende. J'aimerais la consoler, alors je lui dirai: quelque part quelqu'un t'attend, désolé, pas maintenant. Il faut encore attendre un peu longtemps. Mais je sais quand on attend, on attend trop longtemps. Il la prend dans ses bras et se dit: je fais quoi là? Est-ce bien elle? Puis-je dire l'éternel amour? Mais je veux de beaux jours, je ne veux plus attendre, alors je vais me rendre. Je voudrais l'arrêter, alors je lui dirai: quelque part quelqu'un t'attend, désolé, pas maintenant. Il faut encore attendre un peu longtemps. Mais je sais quand on attend trop longtemps. Ils sont là si nombreux et se croisent leurs yeux. Je t'échange ma solitude contre des habitudes. Et l'amour, ça peut toujours attendre. Moi aussi je veux me rendre, je voudrais ne plus traîner. Alors je me dirai: quelque part quelqu'un t'attend, désolé, pas maintenant. Il faut encore attendre un peu longtemps. Mais je sais quand on attend trop longtemps. D'accord. Mmh. Ok. On refait pas une fois? Non.